Et à l'instant, Raymond Poirier est avec nous pour parler de technologie d'information. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et aujourd'hui, tu nous parles de coopération numérique étudiante entre Rennes et Québec. Exactement. Il y avait une activité le 21 mai dernier, un webinaire où on visait, dans l'organisme coopération numérique étudiante Rennes-Québec, à rapprocher ou à amorcer des rapprochements entre des étudiants rennais, entre des étudiants québécois. C'est quoi un webinaire? Un webinaire, donc l'idée, c'est qu'il y avait dans le fond des gens qui étaient à Québec, à l'université Laval, et il y avait des gens qui étaient à Rennes à la cantine numérique, et donc il y avait des conférences qui étaient à Rennes, d'autres à Québec. À Québec, on voyait à l'écran celle de Rennes, et eux voyaient à l'écran celle de Québec. Donc l'idée étant qu'il y a déjà pas mal de projets, justement, de maîtrise, de co-tutelle et autres. Il y a des coopérations entre les universités, mais donc il y a des gens qui se sont rendus compte que parfois, les étudiants se rencontraient peut-être pas assez en amont de projets ou pouvaient amorcer justement des collaborations à travers des événements comme ça, donc en se connaissant peut-être un peu mieux aussi. Et l'idée étant aussi de partager justement l'initiative, l'expertise, les réflexions qui sont menées d'un côté et de l'autre de l'Atlantique par justement des étudiants. Et la thématique qui s'était donnée de manière assez large, c'était la créativité à l'université vers l'innovation en entreprise. Donc, dans le fond, l'idée que si on est innovateur dans un contexte étudiant, ben on va l'être aussi dans le contexte entrepreneurial. Et évidemment, tu devineras, Tania, dans un événement comme ça, on va vers un peu tous les sujets, surtout avec une thématique qui est quand même très large. Ben oui. Donc, on est passé du design aux arts culinaires, on a parlé de sécurité informatique, de simulation située, d'histoire. Bref, très, très large. Et évidemment, c'est le genre d'activité aussi qui... sont stimulantes, en fait, je pense, pour l'intellect, de voir un peu, justement, le type de projets qui sont en développement dans différentes expertises. Je trouve ça intéressant. Et en même temps, ça montre aussi le genre d'éléments qui sont mis de l'avant dans un contexte universitaire également. Je te donne quelques exemples parce qu'il y avait une présentation qui était dédiée à des projets, justement, de design multimédia menés à l'université. Et eux, ben c'est essentiellement l'idée de développer un concept de projet. Donc, pas d'informatiser le projet, mais de développer le concept qui pourrait ensuite être soutenu par l'informatique. Et ces projets-là qui sont développés ici rayonnent. De manière générale, en fait, il y a déjà eu pas mal d'étudiants du côté design multimédia à l'université qui ont eu des prix, des récompenses internationales dans des concours, justement, de design de projets comme ça. Celui qui avait été le plus mis de l'avant, je crois, dans l'histoire récente du programme, c'était un concept de porte 2.0. Donc, l'idée étant d'essayer d'utiliser une porte comme un iPad géant qui permettrait de gérer les situations délicates de la colocation. Donc, plutôt que d'avoir des post-it, plutôt que d'avoir le fameux bas sur la porte d'entrée de l'appartement pour dire ce qui se passe, mais là, tu aurais une porte sensible, entre guillemets, sur laquelle tu pourrais donner des codes, des couleurs, des informations, des éléments pour accompagner, encadrer la colocation, finalement. Ça marche bien, les post-it, pareil, ou se parler, mais en tout cas... Ça reste une bonne idée. Et le projet qui nous avait été présenté au webinaire, c'était l'idée d'essayer de trouver une manière de stimuler les gens à faire de la course à pied. Donc, c'est un sport qui est de plus en plus populaire, on le sait, oui. On le voit. Et eux se sont dit, mais maintenant, comment on peut essayer de donner des objectifs autres que personnels pour la course, sachant que des fois, quand tu t'impliques dans une action collective, eh ben ça te donne une motivation additionnelle, simplement que pour le plaisir du sport, d'être en forme, etc. Il y en a qui ont besoin aussi de ce type de motivation-là pour aller pousser un peu plus loin. Et donc, ils se sont dit, et si on permettait aux gens de courir avec un objectif commun, donc de faire une espèce d'application qui donne différents objectifs qui sont proposés par des gens, et avec ces objectifs-là, sont un kilométrage. On se lance des défis? On se lance des défis, mais c'est des objectifs, par exemple, on a accès, il y aurait un lieu dans la ville sur lequel il y aurait un message de projeté. Donc, l'idée, c'est de courir pour permettre à ce message-là d'être projeté. Comme par exemple, quelqu'un pourrait dire, ben moi, je veux demander en mariage ma copine, et donc quand on aura collectivement couru 300 km, ben le message de ma demande en mariage va apparaître. On pourrait envoyer des encouragements à une personne qui traverse des moments difficiles, t'as des maladies, des choses comme ça, donc on court pour donner un encouragement à cette personne-là. Et dans le fond, les gens, à partir de cette hypothétique application-là, ben choisiraient le message pour lequel ils veulent courir, courraient pour ce message-là. Ensuite, une fois que l'objectif serait atteint, ben il y aurait l'information qui leur sera envoyé leur disant, ben voilà, le message est maintenant projeté pendant X jours sur le mur exemple du Théâtre de la Bordée dans le centre-ville de Québec. OK. Donc, des genres de projets comme ça, évidemment, eux disent, ben, regardez, on a plein de belles idées, mais on n'a pas les capacités pour les programmer. Et c'est dans un contexte comme ça où, justement, peut-être des échanges peuvent être intéressants et des infrastructures aussi, parce qu'il y a un des étudiants, René, qui nous a présenté, lui, le travail qu'il fait au sein de ce qu'il appelle un Fab Lab. Donc, une espèce de laboratoire de prototypage, de laboratoire avec plein d'outils numériques pour permettre, justement, aux gens d'expérimenter, de travailler avec le design 3D, avec l'impression 3D, avec la découpe, etc., etc., et d'avoir accès à des équipements qui sont pas nécessairement liés à un programme précis, à un chercheur précis, etc., là, mais plus à la disponibilité de la communauté étudiante au sens large. Je lui disais, ben, regardez, dans un laboratoire comme le mien, on pourrait faire des projets comme le vôtre. Ah, par exemple. Hein? Quand même. D'où l'esprit de communauté. Exactement. Et de coopération. Et de coopération. Et esprit de communauté, un autre exemple, je sais pas si tu as déjà entendu parler du jeu Minecraft. Oui, ça me dit quelque chose. Une espèce de jeu où on construit des mondes en blocs Lego, ou presque. En fait, c'est un peu l'équivalent du moment quand j'en parle. Je suis pas un joueur avide de ça, donc j'en dis pas trop pour pas parler à travers mon chapeau. Mais essentiellement, donc c'est un univers qui est très, très apprécié des gens qui ont tenté l'expérience et dans lequel on a soit le choix d'être en mode survie, donc où il faut construire et survivre à différentes contraintes, ou simplement le plaisir de construire un monde en fonction des ressources qu'on est en mesure d'aller chercher. Et ces gens-là, à Rennes, ont demandé à la ville de leur fournir les données géographiques de la métropole, qui ont transposé ensuite en Minecraft, et ensuite ils ont invité les gens à aller habiter à l'intérieur de cette ville-là, et à construire, dans le fond, modifier, développer la ville telle qu'elle pourrait être à l'intérieur de l'univers Minecraft. Donc, ce qui fait que les gens peuvent prendre, par exemple, un édifice qui existe déjà et finalement l'améliorer, le modifier, le transformer, des espaces qui étaient vacants, qui sont remplis, d'autres qui sont complètement changés de vocation. Et ça devient une espèce de laboratoire, entre guillemets, sur l'impact citoyen sur la ville. Puis en même temps, ben, nécessairement, ça devient aussi une communauté, donc de gens qui sont intéressés par la ville de Rennes, souvent qui y habitent, qui participent à une plateforme comme ça, collaborative, qui est le reflet de leur ville, etc., etc. Donc, ça fait une dynamique qui est quand même assez stimulante. Ouais, mais c'est le genre de commentaire qu'on peut passer. Ah, moi, si j'avais à gérer la ville, ben, je ferais comme ça. Ben, vas-y. On va voir si ça se peut. Et en fonction des règles Minecraft, évidemment, qui sont pas nécessairement les mêmes que la réalité, mais ça fait une dichotomie intéressante aussi de ce côté-là. Et évidemment, ils disent, ben, il y en a d'autres qui peuvent simplement aussi aller comme spectateurs puis voir qu'est-ce que les gens ont fait ou voir les gens travailler tout simplement dans cette réalité virtuelle-là, entre guillemets. Mais est-ce que c'était uniquement un partage d'idées ou quand même on a gardé ces idées-là et on veut les faire avancer? C'est pas mal un partage d'idées, en fait. Je pense que l'idée, c'est vraiment de présenter des projets qui pourraient être ou de présenter des initiatives qui sont en cours. Il y avait seulement un des projets qui était déjà dans une amorce de collaboration entre Québec et Rennes, mais de manière plus large que simplement un projet étudiant. C'était une application développée par un étudiant à la maîtrise en géomatique, Benoît Duina, qui lui travaille à partir du modèle 3D des villes, donc à partir des données de géolocalisation, des données géographiques qui sont captées par scanner. Lui va recréer la ville en 3D, donc de manière quand même assez précise, évidemment, parce que là, on y va pratiquement au millimètre près. On va se promener avec un camion un peu à la façon des camions Google, Google Street View, mais plutôt que d'avoir un scanner caméra qui prend des photos à 360 degrés. Ce qu'on a, c'est des lasers qui scannent à 360 degrés. Donc, ils vont chercher à peu près toute l'information qu'il y a. Évidemment, il dit, regardez, ça se fait rapidement dans la mesure où en avant-midi, on est capable de faire la rue Saint-Jean intramuros et un peu plus. Mais par contre, c'est pas miraculeux non plus dans la mesure où une fois qu'on a pris les données 3D comme ça, mais il faut les nettoyer parce qu'à l'intérieur de ça, il y a aussi l'intérieur des pièces, par exemple. Si ça passe à travers. En fait, si on peut scanner à travers une fenêtre, ben on a un peu le début de l'intérieur des domiciles, des choses comme ça, des gens qui marchent, qui se promènent, qui font enlever aussi pour nettoyer ce modèle-là. Ensuite, une fois que c'est fait, ben on le passe maintenant à travers une machine entre guillemets, un logiciel, une application qui va le transformer en modèle 3D. Et lui, dans son projet de maîtrise, il a fait l'exercice avec le campus de l'Université Laval, qui a scanné donc géomatiquement, ensuite vers la 3D, et qui a placé géographiquement, en fait, dans une certaine virtualité, donc dans une application, mais qui a inséré sur le vrai campus. Donc, ce qui fait que tu te promènes sur le campus de l'Université Laval en pouvant, si tu as la bonne application, voir le modèle 3D de l'université. Et là, quand tu te promènes, ben lui s'est dit, ben on a un modèle 3D dans lequel on peut rajouter de l'information. Il a mis de l'information, par exemple, sur les pavillons, sur les canalisations, des choses comme ça. Et ça peut devenir un outil assez stimulant de médiation urbaine, dans la mesure où on peut se promener donc dans une ville, voir, par exemple, ce que ça pourrait ressembler avec de nouvelles constructions, voir plus d'informations sur les bâtiments qui sont là, etc., etc. Et il y a une collaboration qui s'est amorcée à travers une variation, si on peut dire une variante de ce projet-là, entre justement Rennes et Québec. Donc c'est, je pense en fait, dans les projets qui nous ont été présentés, c'était le seul qui était un peu à ce stade-là, à dépasser le stade de projet étudiant, le stade d'idée, pour devenir une réalité, ou en voie de devenir une réalité. Et est-ce qu'on se donne rendez-vous l'an prochain pour un autre webinaire? Ça semble être le cas. Je pense qu'en fait, il y a toujours une volonté de partager entre les régions de Rennes et Québec. Il y a des gros événements aussi qui s'organisent là-bas, auxquels des chercheurs de Québec, des chercheurs de l'Université Laval vont être amenés à participer. Il y aura des équivalents de Rennes vers Québec aussi, donc des événements québécois auxquels seront conviés des chercheurs rennais dans les prochaines années aussi. Donc, ça sera intéressant de voir comment ça va se construire, mais évidemment, je pense que le constat général qui en sortait au final de cette activité-là, qui était quand même assez brève, c'est un avant-midi, c'était intensif, des conférences courtes, des 20 minutes, là, ça passe vite, on passe d'un sujet à l'autre, c'est qu'il faudrait le refaire. Ça, c'était clair. Après ça, dans quel axe, dans quelle perspective, de quelle manière, justement, dépasser l'échange d'idées, ça, c'est autant de questions qui sont pour l'instant sans réponse, mais ce sera intéressant de voir, justement, quelles réponses seront apportées par cet organisme-là, là, qui est projeté par la métropole de Rennes en collaboration avec l'université Violitis, mais qui est aussi une initiative à proprement parler, là, qui a une certaine indépendance, on pourrait dire. Ah, ben, si au moins on a trouvé une conclusion, c'est d'en refaire un autre, mais au moins ça a servi à quelque chose. Raymond Poirier, merci beaucoup. On consulte, est-ce qu'il y a plus d'informations sur cet événement, sur le site de Litis? Ben, en fait, même l'événement carrément est disponible pour l'observer sur YouTube. Vous pouvez trouver toutes les vidéos là-dessus. Je vous enverrai pas vers Litis, je vous envoie directement à Coopération numérique étudiante Rennes-Québec. Donc, c'est CNE-Rennes-Québec.org. Pas très compliqué. Donc, et là-dessus, vous allez trouver pas mal toute l'information. Évidemment, on la relaie aussi sur le site de l'ITIS, itis.ulaval.ca. Et on retrouve les chroniques qu'on fait ensemble ici dans Change de disque. Raymond Poirier, chargé de communication à l'ITIS. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.